d'un coin en chambre l'hôpital. En homme assise la cap l'éré. Et qu'a tchèm bel en même mari. Pas qu'arrivé palais. Et qu'a songé y pas ni si longtemps. C'était un bel négresse tellement dieu. Yo t'es toujours qu'à plaisanter. Tellement longtemps, pas te fait continuer. Et vous qui savez qui m'en y est trimé. Mais pour bas vous, tout ça y tenu. Oui, j'allite à sous l'emmène. Toujours là, oui, même si ni